Avez-vous vu Dieu ? Une puéricultrice observait les enfants de sa classe pendant qu'ils dessinaient. Elle fit le tour des tables pour regarder l'œuvre de chaque enfant. Quand elle arriva près d'une petite fille qui travaillait avec ardeur, elle lui demanda ce que le dessin représentait. La petite fille répondit « Je dessine Dieu ». L'enseignante marqua une pause et puis dit « Mais personne ne sait à quoi ressemble Dieu ». Sans perdre un instant ni même relever la tête de son dessin, la petite fille répliqua « Ils le sauront dans une minute ».